Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le podcast de QI Basket. Aujourd'hui, on se retrouve avec Cam. Bonsoir Cam. Salut tout le monde. Et avec Sylvain qui fait sa petite deuxième, hein, deuxième titularisation pour le jeune joueur français. Bonsoir Sylvain. Salut les gars, salut à tous. Voilà, et moi c'est toujours Xavier, ça n'a pas changé. Alors aujourd'hui, on a choisi trois petites choses dont on voulait vous parler un petit peu par rapport à la NBA. Hein. Vous savez qu'on ne fait pas un tour d'horizon de tout ce qui se fait sur la Ligue, parce que bah, il n'y a parfois pas non plus mille choses à dire sur certaines franchises. Donc on a ciblé trois petites choses. On attend bien sûr vos retours sur les sujets, un petit peu donner vos avis aussi, hein, sans animosité, sans agressivité. Je spoil un peu parce que ça risque de taper un peu. Mais voilà, on espère que ça pourra se faire dans le calme et dans l'intelligence du débat. Alors on va commencer un petit peu par débriefer un match qu'on a vu hier soir, puisqu'on est le lundi 2 décembre là pour le moment. On a vu un petit Dallas Mavericks Los Angeles Lakers pardon, et une belle victoire des Mavs. Je vais laisser un petit peu la musique, parce que sinon vous allez trop longtemps. On va débriefer un petit peu le match, voir un peu ce qui s'est passé. C'était quand même un affrontement entre... un ancien MVP patron de la Ligue et peut-être le futur de la Ligue, on ne sait jamais. En tout cas, ça a l'air bien parti pour. Et on va écouter un petit peu Cam qui va donner son avis sur le match et sur les acteurs, bien entendu. Bah alors déjà, si vous n'avez pas eu la chance de voir le match, franchement, mettez-le. Mettez-le en replay parce que vraiment, c'est une belle leçon de basket. Après... C'est une belle pub pour le basket, ça. Ouais, franchement, c'était vraiment un beau match. Le score reflète pas comment ça a pu être serré. Ce qu'il a fallu, un énorme run de Dallas pour creuser l'écart, il met 17-0 je crois, dans le troisième quart-temps. Ouais. Et après, c'était très équilibré. T'as un duo LeBron-Davis, quand même très costaud, un Doncic qui a eu beaucoup de mal, mais qui finit très fort. Ouais. Et surtout, en fait, ce qui a fait que Dallas repart avec la win, si vous regardez bien, c'est le système de jeu. Encore une fois, t'as quasiment tous 5 majeurs qui scorent bien, à part Porzingis qui a du mal contre Davis, qui est logique, mais non, franchement, tactiquement magnifique, super. Ouais, une très belle affiche du dimanche. Qu'est-ce qui a un peu manqué selon toi, Sylvain, aux Lakers pour être plus compétitif plus longtemps dans le match? Écoute, j'ai l'impression que ces Lakers sont encore, malgré l'apport d'Anthony Davis dans le leadership, sont encore LeBron dépendants. Ouais. C'est-à-dire que LeBron sort les stats, hein, fait son match, mais je pense qu'il pèse un peu moins sur la production de l'équipe et ça manque de relais. Ça manque de relais. Alors, pas tant au scoring, quand Anthony Davis score plus que LeBron sur ce match-là, mais je trouve que ça manque de diversité sur les lignes extérieures pour pouvoir amener un peu plus de soit de créativité, soit de danger sur le tir, ce qui permettrait d'avoir des Lakers qui peuvent tenir la distance sur le match. On a vu en deuxième mi-temps notamment que Doncic avait pris un peu la mesure des Lakers et pour le coup il fait bien jouer, il implique tout le monde et ça remet Dallas clairement dans le match et ensuite la fin on la connaît. Mais voilà, je trouve que ça manque de relais encore aux côtés de LeBron, surtout sur les lignes extérieures, une arme on va dire régulière. Moi, il y a trois trucs qui m'ont frappé chez les Lakers hier. C'est d'abord Kuzma. Oh mon dieu! Qui m'a pas frappé, puisque je crois qu'il a rien fait à personne. Il a fait le point. Donc, ouais, Kyle Kuzma qui était complètement absent hier du match. Alors, on peut avoir des matchs avec un gros trou en apport, hein, ça arrive. Maintenant, je trouve qu'il n'y a vraiment eu aucune réaction de sa part. À la limite, tu te rates complètement devant, bah, tu essaies de tout mettre derrière, tu vois, au minimum. Et là, justement, une des deuxièmes choses qui m'a frappé, c'est la facilité avec laquelle Dallas allait marquer. Peut-être pas tellement en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps. On voyait les Lakers qui parfois galéraient pour mettre un 2 points. Et juste derrière, il y avait peut-être 8-10 secondes de possession. Et les mecs passaient vraiment comme dans du beurre. J'avais l'impression que les Lakers étaient trop crevés de leurs attaques que pour défendre. Et ça, évidemment, ça pose problème. Et alors, LeBron hier a beaucoup forcé, beaucoup. Quand il fallait revenir, il a essayé de mettre de sa personne, bah, pour l'avoir vu faire à Cleveland pas mal de fois, hein, forcément ça marche relativement bien, c'est-à-dire je cours en plein milieu, dès que le défenseur arrive, je fais mon spin move et puis je termine, avec souvent un N1 à la clé. Bah, sauf qu'hier, ça marche une fois, deux fois, trois fois, et après il y a un premier passage en force, et juste derrière il y a plus grand-chose qui est fait de manière fluide, et effectivement du coup le manque de spacing se fait vraiment ressentir à ce moment-là. Ils ont toujours pas récupéré Avery Bradley, hein, il me semble. Je suis J'ai pas vu hier. Ouais, toujours pas. Toujours pas. Ça, effectivement, ça va faire du bien. Danny Green, je pense qu'il était pas, c'était pas ouf non plus hier. Ça m'a pas marqué en tout cas. Donc, effectivement, même si ces deux-là sont là, on l'avait déjà dit, il me semble qu'on en avait parlé au dernier podcast, peut-être du niveau du banc, c'est un petit peu quand même un peu court et il faudrait songer. Hein, on avait parlé notamment d'un shooter, hein, on s'était pas trompé à ce niveau-là. Et ça semble se confirmer. Ouais, Danny Green, 8 points hier. Quand tu as vu Scatlet Pope, 7 points. Hein, Javel McGee, 4 points. Caruso 10 points malgré tout. Kuzma il a 4 points hier. C'est trop peu. Trop peu. Dwight Howard pas en forme non plus. Alors qu'il aurait pu constituer quand même un sacré problème en relais par exemple d'Anthony Davis. Et hier il joue que 12 minutes. Donc voilà, ça manque encore de shooters, de joueurs capables de créer sur les ailes et pour dégager un maximum d'espace pour LeBron et pour Davis, ça c'est clair. Tu en es bien d'accord. Ouais, à la limite, même pas, je repense à ça, mais peut-être même pas un... Allez, tu vois, même pas un gros shooter, mais peut-être un... Je crois que quelqu'un avait dit Fournier la dernière fois, c'est pas ça? Sylvain parlait de Fournier, ouais. Un profil d'attaquant, mais qui peut vraiment créer, slasher... ressortir la balle à l'opposé, par exemple, pour trouver les shooters. Bien sûr, il faut mettre les tirs. Mais quelqu'un comme ça, qui soit vraiment dans la percussion et qui puisse, voilà, sur un profil de jeu, fournir régulièrement. Quoi. Un petit un Harrison Barnes aussi, ça pourrait éventuellement faire l'affaire. Un truc un peu... pas un joueur qui doit forcément mettre 20-30 pions par match, mais qui est capable de faire quelque chose en attaque, quoi. Oui, qui refuse pas et qui va même peut-être chercher les choses en attaque. Harrison Barnes, c'est un joueur de système, entre guillemets, qui va prendre ce qu'on lui donne. Il faudrait quelqu'un à la mentalité de LeBron qui puisse aller créer, chercher des choses quand il y a besoin, en relais de LeBron, et qui soit pas spécialement défenseur. Je pense que dans cette équipe-là, il y a des gars qui peuvent défendre s'ils veulent. Avery Bradley, etc. Même Caldwell Pope, je pense qu'il peut faire les minima. Maintenant, il faut quelqu'un vraiment offensivement dans la créa et au scoring en deux, quoi. Oui, d'accord. Il y a Iguodala qui traîne sur le marché aussi, enfin qui aimerait bien. Toujours, mais il faut pour aller changer. Oh, il est en forme, moi je peux te le dire. Il n'a pas bougé d'Oakland depuis son trade à Memphis, on ne l'a pas encore vu, donc il est en forme. Ah ouais, à mon avis, il doit être en train de se maintenir en forme sur le côté bien tranquillement. Je pense que l'équipe qui va le récupérer, bon, il faudra un peu de rythme, hein, ça change pas, mais. C'est sûr, ouais. Ils feront pas une mauvaise affaire pour la fin de la saison régulière, ça c'est à peu près sûr et certain, ouais. Carrément. Mais je pense que ça va bouger, hein. Les Lakers, je pense que ça a bougé. Il reste du cap, hein, faut pas oublier non plus. Hein. Ils peuvent prendre quelqu'un ou il faut qu'ils coupent. Ils ont encore de la place. Ils ont un peu moins de 10 millions, je crois. Ouais, ils pourraient prendre un contrat un peu plus de la gueule comme ça, plus plus un autre joueur et envoyer une cacahuète. Ils ont des balles à envoyer, hein, des Jared Dudley, des trucs pas trop chers, tu vois, pour essayer de faire un peu la balance dans l'histoire, mais ils pourraient. Hein. Bah, ils peuvent même trader Cousins, ça. Si jamais ils sont persuadés qu'il reviendra pas parce qu'il est blessé. Ouais. Tu peux trader un blessé. Hein. Tu prends ton contrat toxique, tu le balances contre Cousins. L'autre équipe, elle s'en fout. À la fin de la saison, le mec va quand même dégager. Et puis voilà. De toute façon, la course au tanking va encore plus s'éclaircir au fur et à mesure où les matchs vont avancer. Donc, je pense qu'il y aura de quoi faire dans ces équipes-là pour les Lakers. En tout cas, à surveiller, clairement. Et côté Mavs, pas grand chose à dire, c'était plutôt bien rodé. Si, ouais, moi, je trouve que cette équipe-là, on ne les attendait pas aussi prêts tactiquement et collectivement. On est quand même qu'en décembre, avec des jeunes joueurs. On sait le leadership qu'il a sur une équipe depuis quelques années en Europe et avec la Slovénie. Mais aujourd'hui, je trouve que les Mavs sont prêts, quoi. Ils savent. Ce qu'ils doivent faire, ils connaissent leur rôle, ils remplissent les cases à chaque fois. Voilà, c'est l'équipe après, sur le. Oui, vas-y. Après, tu me diras, ils ont quand même. Enfin, ils ont un quoi carré, c'est quoi? Top 3 coach, top 5, je dirais. C'est bien un mec, justement, qui est très fort pour rendre des mecs bons, des gens qui sont moyens, parce que bon, tu prends Kleber, Powell, etc. Fais les sortir de Dallas, je pense pas qu'ils auront autant d'importance, tu vois. Alors que là, les mecs sont tous à 10 points. Enfin, c'est. C'est le système de jeu qui les rend bons, pas l'inverse en fait. Ouais. Exactement, c'est porté par un coach et par des relais sur le terrain, Luka Doncic et consorts. Et finalement, ils sont, c'est l'équipe qui va vraiment, vraiment, à mon avis, commencer à faire parler. C'est la plus grosse surprise du début de saison ? Plus oui, grosse, pour moi, oui. J'aime bien Miami à l'aide, moi. J'aime bien Miami. Ouais, mais, parce que... mais est-ce que c'est surprenant ? Tu vois, je sais pas. C'est quand même moins surprenant. Miami ? Ouais, mais... Il y a quand même beaucoup de talent, quoi. T'as du vétéran, ouais, t'as du guerrier. Et puis Butler, tu sais, tu vois, le Doncic, il devait encore confirmer son année parce que on sait bien, il y a des joueurs qui prennent un mur la deuxième année parce que l'effet de surprise est passé et que du coup, ben, on fait les scouting reports en fonction d'eux aussi. Hein, regarde Donovan Mitchell, ça a été plus compliqué pour lui aussi. Donc, ouais. Et ouais, puis, je vais vous rejoindre sur la surprise de Dallas. Peut-être les Suns avec les Suns éventuellement. Bah après les Suns là c'est un peu ça en train de se tomber. Ça rentre dans l'ombre. On va dire clair. Qu'à date d'aujourd'hui pile, on va mettre les Mavs bonne surprise du début de saison. Voilà. Ok, en parlant de surprise, on a selon Cam, on va écouter un petit peu ce qu'il a à dire par rapport à ça. On a quand même des petits soucis du côté des Sixers. Hein. Alors avant ça, je tiens à souligner quand même le fait que l'été dernier, on en avait déjà parlé quand on avait fait notre preview de la Free Agency. Là, j'ai les stats des Sixers sous le nez. Donc bon, objectivement, en fait, si tu les rates, c'est pas catastrophique. C'est 5e équipe en assist, 5e équipe au rebond. Ouais. Par contre, c'est la 18e attaque. Aïe. Et en fait, ça, bah, on en parlait juste avant. Et de toute façon, en fait, il suffit juste de regarder un carton pour le comprendre. Il n'y a aucun spacing actuellement. Il y a un problème de spacing, ça c'est sûr. Bah en fait, le problème qu'il y a, c'est que les 2-3 snipers, c'est Furkan Korkmaz. Mm-hmm. T'as part du Reddy qui n'a pas été remplacé. Richardson, j'aime beaucoup le joueur, mais c'est pas un free and D efficace. Mm-hmm. Et encore une fois, il fait pas un début de saison dégueulasse. Hein. Ah non, il est bon dans son domaine, mais c'est pas un shooter. Il crée, il drive, etc. Mais c'est pas... C'est pas un Danny Green, c'est pas un Redick, enfin voilà, c'est le mec qui est bon, mais ce sera pas un tireur d'élite. Moi, ouais, le mec qui me déçoit à mort, c'est Al Horford. Voilà, c'est un peu le point que j'allais faire. Enfin, il y en a deux. Donc, il y en a deux en attaque. Il y a Ben Simmons et Al Horford. Alors, bah, justement, je vais d'abord parler de Simmons parce que on va commencer par tirer sur l'ambulance. Ben Simmons, cette saison, c'est 12 points. Attention, donc, dire que 12... attention, il a marqué un 3 points. Alors, tout de suite. Waouh, mon dieu. On redescend. Super. Alors, il a marqué un 3. Il l'a fait. Et attends, hein. Mais par contre, à côté de ça, j'ai guetté un peu ses stats. Vous savez combien de jump shots il a tenté cette saison ? Non, dis-moi. 4. Ah. Ah merde. Et combien il en a mis ? Par match ? Bah là, à l'instant T, 0. C'est 4 quoi par match ? Ah non, c'est 4 depuis le début de la saison. Il a tenté 4 jump shots. Il y en a sur certains fois en un quart temps, il l'a fait en 20 matchs. Vache. Sachant que les deux saisons d'avant, il était à 80, donc régression ou limite qui se pose lui-même, c'est à vous de choisir. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que Simmons, sa grande force, c'est son drive et sa passe. Ouais. Sauf que autant avant, tu avais des shooters à nourrir ou à Embiid qui étaient gavés au poste, autant maintenant, c'est pas trop le cas. Leur attaque a pas de sens. À part du pick and roll qui est pas très efficace, c'est beaucoup d'iso. C'est beaucoup trop d'iso en fait. Et clairement, cette équipe-là, elle surdomine parce que physiquement, elle est au-dessus. Ouais. Mais elle est au-dessus combien de temps ? Parce que là, t'as Tobias Harris qui est un peu blessé. T'as Horford, comme dit, qui a été signé une blinde pour au final pas beaucoup apporter. Bah, surtout que tu savais où il allait apporter. C'était pas spécialement là que Philly avait le plus de problèmes. Exactement. Et là récemment, ils se sont pris une énorme douille contre les Raptors simplement parce qu'en fait, t'as une défense en zone qui est très efficace et t'as des défenseurs sur l'homme qui sont que tu peux pas esquiver quoi. Donc ouais. Tout simplement, tu te prends une race. Bon bah alors là, Embiid, moi j'applaudis parce que tu te fais gifler par 4 et tu mets 0 points face à Gasol, comme quoi il y a un karma. Et cette équipe-là, elle va écraser beaucoup de monde en régulière. Par contre, à l'instant T, en tout cas, j'ai du mal à les voir battre les Bucks, même battre Toronto, même s'ils sortent d'une saison un peu éreintante. Clairement, c'est une régression. T'as pas réussi à garder Butler et tu t'en payes les conséquences. Malgré toute la qualité de l'effectif, c'est mal branlé. Et le coach n'arrange rien en plus. Ok. Complètement. Ouais, je peux pas aller dans prendre une autre voie que celle de Cam. J'ai en plus de ce que tu as dit, Cam, du mal à percevoir la marge de progression de l'équipe s'il n'y a pas des moves qui sont faits d'ici les playoffs, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipe est pas complémentaire. Embiid fait du Embiid, mais Simmons, s'il n'est pas capable de mettre un tir externe au basket, dans le basket moderne, surtout aujourd'hui, c'est très très compliqué. Donc ça le rend presque inefficace dans bien les formes de jeu. Donc si l'équipe n'évolue pas, je pense que Philly, oui, en saison régulière, ça fait 1-2-3, mais en playoff, ça fera demi de con, voire finale, et puis ça sortira sans les honneurs face aux Bucks ou d'autres équipes. Aujourd'hui, il faut que l'équipe évolue. Il faut que le coach évolue sur ses plans de jeu, s'il n'a pas les joueurs pour shooter externe, ou faire venir des joueurs qui soient capables de le faire régulièrement. Il n'a pas les joueurs pour le faire. Il les a pas. Donc je pense qu'il faut voilà, soit Tobias Harris, soit un autre. En fait, bon. c'est un peu le même problème que les Lakers, mais avec des joueurs, des franchise players qui sont beaucoup moins quali. Moins fort, complètement. Donc t'as exactement le même truc. Moi j'ai vu je parlais d'Al Horford tout à l'heure, j'ai vu un truc de fou. Je suis allé revoir le match contre les Raptors parce que j'avais vu qu'une mi-temps, donc je suis allé voir tout. J'ai vu un truc de Al Horford, c'est incroyable. Je crois que c'est Embiid qui est à 45. Il se fait trapper comme il a été assez souvent pendant le match. Ouais. Donc, elle est horrible cette séquence. Donc la tête de raquette se libère. Et Horford, il est tellement coincé dans son système, il se retrouve tout seul. Il pourrait couper en plein milieu de la raquette, mais droit vers l'anneau. Embiid, il a les bras en l'air, il attend que ça, c'est de lui donner la balle. Et en fait, il descend, et il va faire un écran, je crois, sur. Oui. Simmons ou je sais plus qui. C'est Ben Simmons, ouais, c'est ça. Et il va faire un écran et le mec remonte et après, ben voilà, ça fait une passe, mais il se passe rien derrière, quoi. Donc le Horford, il coupe, il se rend même plus compte qu'il y a personne dans la raquette. Il regarde même pas la balle, il va faire son système comme vraiment un exécutant, quoi. Alors que tu l'as payé de ouf, le mec. Xavier, ouais. Peut-être pas blâmer à Horford parce qu'il arrive dans une franchise et une organisation de jeu qui est pas la sienne. Peut-être que le gars se rend compte que. Ouais, non, mais je sais bien. Mais peut-être que les formes de jeu proposées par le coach ne lui permettent pas de se mettre en valeur, lui, tu vois. Mais attends. Quand tu passes de Brad Stevens à. Ouais, mais ok, d'accord, tout ce que tu veux. Mais quand t'as la raquette qui est grande ouverte devant toi, tu demandes la balle. T'avances, tu demandes la balle. Y a rien à piger. Parce qu'à ce moment-là, il prenait la balle. Je crois que c'est Siakam qui est en couverture juste face à l'anneau. Bah, Siakam, il va venir sur toi. Et puis tu fais une petite passe décalée à Ben Simmons, il est tout seul et puis il essaie de mettre son petit lob, tu vois. Mais là, le gars, il ne regarde même pas Embiid qui a la balle. Il va tout seul en pilote automatique. Il va faire l'écran, quoi. C'est fou. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, de Josh Richardson? J'adore le joueur, que ce soit à Miami ou ici. Est-ce que ça fit vraiment à Philly? C'est un sixième homme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans leur jeu actuel, il faut qu'il sorte du banc. Il te faut un vrai shooter. Voilà, c'est ça. Dans le 5, tu le sors, tu mets un vrai shooter à la place. Bah, tu vas rechercher Redick, tu te démerdes. Ou quelqu'un d'autre, hein, voilà. Il n'y a pas que lui comme shooter, mais tu vas chercher un vrai shooter et tu mets Josh Richardson en sortie de banc. Et là, tout le monde est d'accord, ok, pas de problème. Parce qu'on se rappelle que l'intersaison de Philly, c'est Josh Richardson, c'est Tobias Harris re-signé, on est bien d'accord, hein. On fait partie Redick. Exactement. En gros, je schématise. McDonald aussi. McDonald, oui, ouais. qui était bah, mine de rien, Indiana, ouais. En petit energizer en seconde unit. Alors il était pas fort malin, pas toujours habile de ses deux mains, mais de temps en temps il était capable de te remettre les mecs dans le match en faisant une petite action un peu genre chien qui court après le facteur. Ouais, et puis gestionnaire aussi un peu. Gestionnaire. Ouais, okay, un peu. Ouais, ok, d'accord. Il est autant gestionnaire que Dellavedova au Cavs, mais bon. ok, d'accord. Mais il est moins cher. Il est beaucoup moins cher. Mais il était capable de parfois. C'est con, hein. Tu vois un mec parfois qui se bat sur le terrain et toi t'es un peu en deçà. Il peut parfois te remettre une équipe sur les rails. Et c'est un peu ça. Le match contre les Raptors, c'est t'as Embiid qui se fait martyriser par Gasol. Tout le match, il se fait trapper à tout rompre, et derrière, t'as l'impression que c'est ça qui manque. Il manque une grande gueule. Je sais que ça fait bizarre de dire ça dans une équipe où il y a Embiid, mais Embiid, c'est une grande gueule de médias et pour chauffer la foule. Mais peut-être que pour haranguer ses coéquipiers et leur dire oh putain, maintenant on se bouge le cul, c'est peut-être moins le gars, quoi. Donc il manque peut-être des mecs de vestiaire pour remettre un peu l'église au milieu du village. Pour le coup, j'allais te le dire, en fait, t'as beaucoup de caractère, mais t'as pas de leader dans cette équipe-là. Ouais. Parce que globalement, comme tu disais, il y a eu beaucoup de monde pour mettre des gifles à Brooklyn l'année dernière en playoff. Par contre, quand ça s'est resserré en face, bah, ça a bégayé très fort. Ouais. Et t'as pas, en fait, comment dire, t'as pas de mecs qui peuvent te calmer tes mecs et pas justement bêtement annoncer un système, calmer le jeu, etc. Cette équipe-là, elle marche que par la violence, quoi. Il n'y a pas l'autre mot. Après, il y a peut-être encore le. On a déjà vu ça, des équipes qui avaient pris un match 7 très serré et qui, du coup, l'année d'après avaient vraiment du mal à se remettre et qui mettaient parfois des mois à se remettre d'un match comme ça. Hein. Oui, tu penses que psychologiquement, ils sont Ah, encore, ils n'ont pas écoute, passé le cap, quoi. pour que Embiid se mette à chialer parce que. Regarde le match 7 quand même, enfin, regarde comment ils le perdent, quoi. Ces Non, non, c'est derniers clair. shoots, la balle elle fait tac tac tac tac tac et puis elle rentre dedans. Tu vois, t'as quand même de quoi te dire, putain, je viens de rater un truc, quoi. Non, Derrière, en c'est plus, clair. Toronto est champion. Personne n'aurait pu parier que Golden State allait perdre la moitié de ses joueurs, voire plus. Et donc, du coup, t'as de quoi nourrir des très très gros regrets. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la fin du match 7. Il y a tous les autres matchs où tu vas regarder Toronto remporter les matchs. Et tu vas dire, putain, ça pourrait être moi, quoi. Putain, à une défense près, c'était moi, peut-être. C'était bon. Donc il y a pas mal de choses, mais effectivement là dans l'urgence on va dire, il faut absolument, je pense qu'il faut remettre déjà un vétéran, mais un vétéran caractère, qui est un mec qui saura un peu fédérer le vestiaire, un peu des profils à la bah ouais Jared Dudley, c'est con mais c'est le genre de mec qui est capable de te mobiliser un groupe, comme les Cavs avaient en 2016 Channing Frye et Richard Jefferson qui mine de rien ben bah, faisait que ça faisait avancer un peu le truc. Et oui, un profil créatif en attaque. Ouais, créatif. Ouais. Quelqu'un qui puisse. Alors, tu Quelqu'un vois deux. qui va mettre Vas-y. Richardson sur le banc. Ok. Alors, qui? Réfléchissement. Donc on regarde dans les équipes qui sont dans le fond de la ligue, hein, parce que c'est clairement elles qui vont commencer à lâcher leurs plumes le plus vite possible. Alors voyons ça, qu'est-ce qu'on a à bouffer pour le moment? Alors la ligue, voilà, donc on a, ah bah oui, on a Golden State dans le fond, mais eux, ils ont plus rien à trader du coup, parce qu'il n'y a plus personne qui est en canne. On a les Knicks, on a Atlanta, on a Cleveland, on a les Pelicans et on a Chicago. Qui ferme la marche. Cleveland. Bah Cleveland, il y en a un qui sait très bien se créer son shoot tout seul, mais maintenant je le mettrai pas dans un 5 de départ. Tu penses à Jordan Clarkson. ouais. Le mec qui a pas de cerveau. Ah mais par contre, niveau scoring et création de son propre tir, tu peux pas lui Ah, dire c'est très grand-chose. propre. C'est très Tu peux pas propre. lui dire grand-chose. Atlanta, compliqué, il n'y a pas grand-chose. En plus, ils veulent garder tous leurs jeunes. Je pense qu'il n'y a pas. Non, il n'y a rien. Cedi Osman, ça pourrait pas. Non, non, non, Ah, ça. il l'aime bien quand même à Cleveland, hein. Ouais, ils vont pas le lâcher. Ils l'ont signé. Ils Ouais. vont le garder. Oui, ils vont le garder, ils vont le développer. Ok. Bah, du côté des Knicks, il n'y a pas de poste, il n'y a que des postes 4. Et des meneurs. Et des meneurs. Voilà. Donc, je vois pas trop ce que tu vas pouvoir aller chercher là-bas. Bah tu vois, pour le coup, moi j'ai un mec en tête, mais c'est Jeff Teague. Jeff Tuche. Jeff Teague, ouais. Parce que quand même bon shooter, défend bien. Là actuellement il est un peu blessé, mais à Minnesota, clairement, c'est pas l'avenir. Il est expirant. Et je Est-ce serais en que façon. tu ferais pas genre le gros gourmand, mais il faut voir ce que tu peux envoyer en échange. Est-ce que tu essaierais pas d'aller chercher Chris Paul? Investir Embiid, Simmons, Chris Paul. Est-ce que t'essaierais pas, franchement? Alors tu peux, mais putain, par contre, faut envoyer une brouette de joueurs, quoi. Ah, il va falloir envoyer ce que tu peux, ouais, ça c'est un fait. Maintenant. Par contre, objectivement, si t'arrives à récupérer un mec comme ça, putain, c'est intéressant en sortie de banc. Oh là là. Petite. Est-ce qu'on peut pas faire une petite doublette Galinette Chris Paul? Ouh là là, ce serait Et trop cher payé. t'envoies à ce moment-là. Josh Richardson, salut. Ouais, par exemple. T'envoies quoi encore? Oh, man, Tobias Harris, hein. Ouais, je peux y aller. Hein. Ou alors Ford. Ouais, alors force, je serais pas surpris, tu vois, qu'il Alors reste pas, Ford. vraiment. Pourquoi pas? Franchement, vu ce que. Alors, encore une fois, moi on va me dire, ouais, mais bon, il y a tout ce qu'on voit pas dans les stats. Bah ouais, ok, d'accord, mais regardez les matchs, quoi. Ouais, mais il y a un moment, Moi. voilà, tu vois, ça a marché à Boston et Atlanta, ça marche plus à Philly. Je pense que je tenterai ça. Hein. Une petite Richardson Horford contre un Chris Paul Galinette. Ouais, pas sûr que ici veut récupérer un vétéran, mais le deal est quand même bon. Hein. Bah, le problème, après, le problème tu c'est du draft. Ouais, mais le problème c'est que Horford, tu vois, il vient de re-signer, donc ce qu'ils chercheront, c'est une grosse valeur, mais qui se termine dans pas longtemps, quoi. Mm-hmm. Donc à voir, mais je sais pas, je trouve que c'est des profils qui pourraient aller, tu vois, d'avoir un meneur à me dire, oh, mais qu'est-ce que tu fais de Ben Simmons? Bon, ça, je le fous en deux, par exemple, tu vois. Ou bien je continue à le faire driver et je kick out sur Chris Paul ou j'en sais rien. Tu sais, même pour Ben Simmons, hein, avoir un Chris Paul qui est capable de faire des bonnes assists et lui qui est capable de se lâcher dans la raquette, ce sera toujours plus intéressant. Hein. Parce que j'ai l'impression après... que là, il devient un peu sa propre parodie, tu vois, de sprinter dans la défense et de penser qu'il aura qu'à lâcher la balle comme l'année passée. Mais ça marche, force est de constater que ça marche beaucoup moins bien cette année. Hein. Mais il n'a pas les shooters dans les coins, il a pas les joueurs dans les coins pour avoir ses passes d'ess et varier le jeu droite-gauche. Quoi. Là, tu as quand même Galinette qui est capable de mettre dedans de loin, et t'aurais Chris Paul qui n'est pas le plus vilain des shooters non plus. Messieurs, Joe Ingles, ça vous dit quoi? Alors moi, j'aurais plus dit DeMar DeRozan là en tête, mais Ingles, Utah, j'adore le joueur, il est très bon, mais je pense qu'ils ne le lâcheront pas. Pas de suite en tout cas. DeRozan, ils vont pas le lâcher aux Spurs, c'est fou toi. Eh, franchement, vu la gueule de la saison qu'ils font, si tu suis sur quelques petits modos. Je suis pas sûr. J'suis en fait, de l'autre côté, décale-le sur le banc des Rosanne. Tu le mets en pur sixième homme, tu vois. Non, ça va pas. Respecte-le. Lui, tu le perds. Tu fais ça, tu le perds. Et puis, change de sport, et puis, des Rosanne, c'est un shooter à mi-distance, c'est pas un shooter à 3 points. Hein. Et ouais, mais par contre, il s'est créé, il défend bien, tu vois. Ouais, mais ouais, t'as dit que c'était un mec qu'il faut plutôt des gaps profil un peu catch and shoot quand même. Si t'as Simmons qui rentre dans la raquette et qu'il faut récupérer une balle en kick-out, il faut quand même un profil qui récupère et qui shot. Ouais, non, là je vais rester sur ma Galinette Chris Paul. Galinette, c'est pas mal. Ouais, on garde. Chris Paul, peut-être pas, mais Galinette. Galinette poste 3, 4, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. Ça me semble sympathique ça. À méditer, hein, si vous êtes fan des Sixers, vous nous direz votre avis et qu'est-ce que vous feriez pour améliorer votre équipe, qui en a quand même besoin, on va pas se mentir. on va parler maintenant un petit peu de... On a remarqué, hein, je sais pas si vous avez vu, il y a James Harden qui met quelques points ces temps-ci. Il paraît, ouais. C'est relativement discret, hein, il faut vraiment avoir l'œil. En fait, déjà, les stats avancées. Voilà, allez voir dans les stats avancées. Regardez les matchs, ne vous fiez pas aux stats. et justement, Sylvain, un petit quelque chose à dire par rapport à tout ça. On t'écoute, Sylvain. Oui, plus qu'un petit peu. Bon, déjà, je suis un peu alerté par cette saison NBA qui me laisse un petit peu. Pas sur ma faim, mais je vois beaucoup l'orgie offensive et c'est quasiment tout. Alors je sais que dans les collectifs, les défenses sont souvent difficiles à mettre en place. On n'a pas le temps de travailler comme on souhaite. Ça va d'un match à l'autre très très rapidement. Donc l'adaptabilité, c'est quelque chose de compliqué, même si on parle quand même de sportifs de niveau et de NBA. Je regarde des matchs, je regarde aussi des highlights de temps en temps, je me lève, je regarde des applications, je vois des 60 points, je vois des 50 points, je vois des 159, 158, je crois, le match Washington contre Houston le 30 octobre. Bon, je regarde un peu. Alors là, le run and gun absolu. Exactement, je vois qu'il n'y a pas de prolongation, je vois que James Harden est sur un volume de tir de 32 tirs. Alors, j'ai les stats sous les yeux. Bon, il y a 18 lancers francs, 32 tirs. Il finit à 59 points. Bradley Beal, 46. Ok, il y a des gens qui travaillent l'été et qui font en sorte qu'ils deviennent de plus en plus efficaces. Je regarde le match et là, je me dis, c'est pas possible. Je me dis que James Harden fait 20 fois la même chose. Alors, certes, ça semble inarrêtable, mais il n'y a aucune réponse tactique donnée par le coach ou adaptée par les joueurs. On va peut-être penser que le coach demande des choses à ses joueurs, mais les joueurs ne le font pas. Et on arrive à des situations d'isolation où sur le pic, le défenseur du pic ne monte même pas sur James Harden, enfin, ne fait même pas semblant d'aider, reprendre, mettre une main, pour ralentir sa mise en place, parce que James Harden a une mise en place assez similaire à chaque fois. Mm-hmm. Donc il rentre après dans son mood, et puis il finit les actions comme il sait les finir. Donc ça, c'est sur le jeu, on va dire, de transition, voire le jeu placé. Le jeu rapide, tout le monde court, axe central, quand je dis tout le monde, c'est même les ailiers, hein. Et on arrive en fin de contre-attaque avec tout le monde dans la raquette ou tout le monde dans l'axe, et avec des joueurs qui se retrouvent à l'opposé tout seul, Westbrook et bon, James Harden quand il a la balle et qu'il la reçoit sur des renversements, et boum, ça fait ficelle tout le match, en tout cas tout le match. Une grosse partie des actions offensives réussies par James Harden passe par là. Je pense qu'on connaît sa capacité à scorer. C'est un très très fort scoreur dans cette NBA où les raquettes sont vierges. Il n'y a personne dans la raquette. On joue très très vite, donc on arrive très vite au panier adverse. Mais il n'y a aucune réponse tactique. Et je crois que sur la dureté et l'intensité, je me pose aussi pas mal de questions. Alors, mettons de côté Houston. Regardons les performances de Trae Young, qui semble aussi avoir ses capacités à scorer et à créer. Donc c'est pour moi un très très très fort joueur. Mais aujourd'hui, Atlanta, je crois que c'est quasiment 10 défaites de suite. C'est 4 matchs gagnés depuis le début de la saison. Ouais. Donc ça fait peu. Et on a une équipe qui développe du rythme, qui est, je crois, autour de 115 points marqués en attaque. Mmh. Mais qui ne s'adapte pas en défense. Et le match qui oppose donc pour moi les défenses les plus hermétiques de la ligue, donc Atlanta et Houston, bah on finit avec un James Harden qui met 60 points. Parce que pas de volonté, pour moi peu d'intensité et peu de réponse tactique. Donc aujourd'hui, la valeur des points de James Harden, je... Les perfs, pas l'air mettre en... les perfs sont belles, mais tu te demandes si c'est... Si c'est si extraordinaire que ça, en fait. Écoute, je me demande si c'est si extraordinaire que ça. Déjà, quand les matchs finissent à 160 points, donc là, c'était pas le cas. Il faut que je retrouve les stats, c'était un petit peu moins. Mais tu te dis que quand même, sur un gros volume de points, bon, mettre 40 points, finalement, ça pondère un petit peu les choses. Mmh. Quand il n'y a pas de réponse tactique donnée, parce que scouting report sur James Harden n'est pas mis en place... Ouais, un joueur comme ça, il faut le trapper, il faut qu'il lâche la balle. Les mecs n'ont peut-être pas les moyens de le faire aussi. Hein. Pour moi, un joueur comme ça doit être trappé, doit lâcher la balle. En tout cas, essayer de faire en sorte qu'il l'ait le moins possible. Ce n'est pas Westbrook en ce moment qui va scorer à 3 points. Y a moins de régularité sur les autres joueurs, donc pourquoi pas tenter des choses. Ce qu'ont fait les Raptors en finale NBA face à Steph Curry, pour moi, c'est une idée. Il y a peut-être des choses à prendre là-dedans. On est en saison régulière. Alors, effectivement, il faut faire preuve d'adaptabilité. On joue les Rockets à l'extérieur. Le lendemain, on est ailleurs. C'est peut-être pas un match qu'on a coché. Mais bon, on est sur le terrain. On essaie quand même de travailler les choses. Et c'est pas ce que je vois match après match. Donc, tantiner un peu douteux sur ses prestations. Quoi. D'accord. Cam, on t'écoute. Bah alors ça, c'est le petit quiz du soir. Est-ce que vous savez qui a sorti les 10 plus grosses perfs offensives de l'année dernière, hors playoff, saison régulière? Les 10? Ouais. James Harden, les 10. Alors, Harden, il en sort 8. Bon, après, il y a une de Lillard, une de Booker. Westbrook? Bah, en fait, c'est pas compliqué. Harden, sur les 10 plus grosses perfs, il en fait 8. Après, c'est Booker à 59 et Lillard à 60. Ouais. Maintenant, la seconde question. Oui. Combien de grosses pertes Harden il fait en playoff sur les 10 plus grosses? Aucune. Ouais, merci de nous avoir laissé répondre. T'as vu ça? Quelle est la capitale de Belgique? Bruxelles, merci à tous. Bruxelles. Et comment dire ça? En fait, tout simplement, je rejoins un peu ce que Sylvain disait. Cartonner en saison régulière sur une pace élevée et des équipes qui font même plus l'effort de défendre, c'est une chose. Par contre, en playoff, à l'instant T, franchement, je suis très sceptique. Il va encore arriver épuisé, il y aura encore un fond de jeu qui va être très faible, et c'est pas Westbrook qui, je pense, va pouvoir élever le collectif. Donc franchement, mettre du 50, 40, 60 points, c'est très bien, c'est super, hein, ça fait des belles stats. Là, il a mis la race aux Hawks là, récemment, comme on le disait. Mais si en playoff, t'es pas capable justement d'élever ton niveau de jeu et celui de tes potes, ça sert à rien. Hein. Ça passera peut-être un tour, mais ça va se prendre une grosse baffe en finale de conf, voire avant. Donc franchement, scorer c'est bien, mais scorer pour gagner, pas pour faire des stats. J'ai une question pour vous, messieurs. Oui. Ça va crier parmi les auditeurs, mais James Harden joue vraiment pour gagner un titre NBA ou pas? Est-ce qu'il joue pour gagner un titre NBA? Est-ce qu'il se rend compte que ça fait plusieurs saisons d'affilée, que c'est son profil de jeu permet pas de passer un certain cap? Donc ça l'amène en finale de conf, par exemple, mais je pense pas que ce soit une finalité pour lui. Et on se rend compte que sa manière d'approcher le jeu ne permet pas d'aller au bout. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut pas se dire je peux faire autrement? D'abord, c'est jamais l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de toute une franchise d'un titre NBA. C'est-à-dire que toi, tu dois être, en tant que franchise player, à mon avis, tu dois être le mec qui prend le drapeau et qui dit les gars, on y va, on va à la guerre. Derrière, tu dois avoir du coaching aussi. Il faut aussi que quand ça se resserre sur demi-terrain, tu as un mec qui soit capable de s'adapter. Que t'es un mec qui a autre chose à proposer que court, passe, shot. Yes. Tu dois avoir des mecs qui sont présents autour de toi, qui sont focus, qui ont une volonté de soit mettre leurs 10, 15, 20 points, ça dépend qui c'est, ou bien de se sacrifier complètement en défense. Tu dois avoir un banc aussi qui, quand il va rentrer pour le peu de minutes qu'il aura, doit être prêt à se mettre le cul par terre pour faire le meilleur. Donc c'est un peu facile aussi, je trouve, par rapport à Harden de tout ramener sur lui. Évidemment que c'est le franchise player, évidemment qu'il vampirise le jeu, évidemment que beaucoup de choses, mais derrière on ne propose rien d'autre, il n'y a rien. Quand il se retrouve coincé, je pense que en fait Harden il est en mode, moi tant que ça va et que je score, on fait comme ça, ça marche. Maintenant quand je score plus ou quoi, il faut penser à faire autre chose. Et tu le sens parfois que le mec il est un peu débité. J'ai une réponse à t'apporter, Xavier, là-dessus. Vas-y. Quand pendant 82 matchs, je suis très très polémique, hein, attention, je vais peut-être un peu au-delà de mes réelles pensées, mais quand tu joues de cette manière-là pendant 82 matchs en impliquant à minima, bien à minima, tes coéquipiers, et que tu te retrouves scouté, et comme je disais tout à l'heure, trappé, et qu'il faut apporter d'autres éléments à ton jeu, mais que tu n'as pas l'habitude de le faire pendant 82 matchs, que tu n'as pas impliqué tes coéquipiers. Est-ce qu'il s'agit de claquer des doigts et se dire ah merde les gars là faut qu'on fasse autre chose parce qu'on n'y arrive pas? C'est pas claquer des doigts, c'est simplement. Tu vois ce que je veux dire? C'est simplement que les autres mecs ils doivent se rendre compte qu'ils ont aussi la chance de jouer avec James Harden. Il y a aussi des fois. Il faut toujours voir des deux côtés. Les gars doivent se rendre compte qu'ils ont la chance de jouer avec James Harden et pas dans une équipe qui joue le cul du classement déjà. Parce qu'il y a des mecs qui pourraient très bien se retrouver dans cette situation là. Et donc, quand tu te retrouves dans une situation où tu vois ton leader qui est en galère. Tu dois avoir le démon en toi qui te dit c'est le moment, il faut que j'aille l'aider. Et ok, t'as pas eu l'habitude, mais c'est ce que même je si dis. On t'a pas impliqué de la non, saison, entre ce guillemets. Je, c'est ce que je te dis, il faut 15 personnes pour aller chercher un titre. Si t'as pas les 15 personnes pour. Et du coup, je vais te donner un exemple qui est vraiment qui me parle, parce que alors je sais que c'est toujours les Cavs, hein, mais c'est l'équipe que je connais le mieux. Vas-y, vas-y. Je pense que c'est la dernière année de Paul George à Indiana. Il me semble que c'est lors du Game 2 à Cleveland. Le premier match, c'est le fameux match où CJ Miles prend le shot à la place de Paul George et qui se regarde à la fin du match en disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Le deuxième That match... That was a bad shot. Ouais, le deuxième match, il y a un moment où Paul George est encore en feu et Cleveland fait rentrer Iman Shumpert qui a plus joué depuis fin de saison régulière et début des playoffs, il n'est pas rentré une seule minute. Le mec va voir sa défense sur Paul George. Un dur. Mort de faim. Ouais, très un dur. Putain très dur. De mort de faim. Et du coup, pendant le temps où il rentre sur le parquet, je crois que c'est 6-8 minutes, Paul George ne marque plus. Paul George fait des turnovers. Il est complètement agressé par la défense d'Iman Shumpert. Et Iman Shumpert, il a tout compris. Yes, ok. Il a vu ce qu'il pouvait faire pour son équipe. Il n'a pas été toujours utilisé, c'est particulièrement cette saison-là, il n'a pas été utilisé des masses. Et pourtant, il s'est arraché. Il faut se tenir prêt. Pour aider son équipe. Bien sûr. Pendant 82 matchs, t'as un mec qui te permet d'aller en playoff. Qui te permet de jouer des phases finales. Enfin, des phases finales de saison régulière, je veux dire, donc des playoffs. Il faut se rendre compte. Rappelle-toi où t'étais dans les autres équipes avant. Est-ce que t'as toujours joué les playoffs? Est-ce que t'as connu des saisons où t'as pas joué les playoffs? Là, t'as un mec qui te garantit de jouer les playoffs. Grâce à lui, tu vas en playoffs. La moindre des choses, c'est que quand derrière il galère, même si t'as pas le talent, même si t'as pas le truc, t'essayes. Et c'est le problème que j'ai vu avec les Rockets, c'est que essayer, on se contente de rester derrière la ligne et on vient pas aider, on vient rien faire. Il y a juste Capella qui vient faire des écrans en tête de raquette. Et le reste, ça bouge pas plus que ça. Donc voilà, il y a ça aussi qu'il faut regarder. Juste par rapport au perf aussi de James Harden, il y a un truc qu'il faut rappeler là-dedans. Parce que tu dis, il suffit de scouting report, etc. Mais même quand tu trappes James Harden, il est capable de te créer des fautes. Il est capable de créer quelque chose. Il est capable de... S'il y a un switch très rapide et que le pivot se retrouve en face de James Harden, il va le faire danser et il va lui mettre 3 points dans la musette ou il va le driver. James Harden, c'est un enfer à défendre, faut pas oublier ça. C'est peut-être parce que vous n'avez pas le regard du basketteur, on va dire, entre guillemets, ou si vous l'avez, ben, posez-vous la question. Si j'étais en face de lui, qu'est-ce que je fais? Si je suis coach en face avec les joueurs que j'ai là maintenant sur le terrain, qu'est-ce que je fais? Et vous allez voir, allez regarder, vous allez voir, il y a plein d'équipes qui ont testé plein de trucs contre lui. Ça marche très rarement. Ça marche quand tu crées des conditions globales de match qui ne l'avantagent pas. C'est-à-dire que tu ralentis absolument tout le jeu, que tu donnes pas de rythme, que tu sors bien sur lui. Mais il faut des joueurs qui soient disciplinés tactiquement. Xavier, et ça, on défend en saison régulière, t'as peu de fou. J'ai un élément à t'apporter là-dessus. Je dis pas que le joueur est pas fort et qu'il peut pas lire toute situation et s'en défaire pour rester performant. Je regarde pas James Harden, je regarde ce que les défenses essayent de proposer face à James Harden. Et je me dis qu'à partir du moment où elles sont sorties des vestiaires, bah les gars, ils ont un plan de jeu et moi, je les trouve résignés, en fait, dans l'idée. C'est juste ça qui me gêne. C'est-à-dire que le gars est trop fort. Bon, bah ok, il est trop fort. Mais dans la ligue, t'as des coachs qui sont pas très bons, par exemple. T'as des coachs qui ont pas spécialement bossé ce genre de joueurs et qui préfèrent se dire, voilà, je bosse sur une défense globale qui est valable toute l'année, peu importe qui est en face, et qui vont pas spécialement faire de scouting report parce que, bah, on regarde les Hawks, ils savent bien qu'ils vont pas jouer les PO. Bah voilà, en gros, ils essaient de faire bosser un espèce de schéma défensif à minima. Il se trouve que ça paye pas non plus des masses. Ils ont pas un coaching staff qui est non plus de ouf, qui est réputé pour ça non plus. Donc voilà, il faut regarder tout ça. Et puis il y a des joueurs qui ont pas envie de s'arracher en saison régulière. Il y a des mecs qui ont pas envie. Wow. Après tu me diras, le problème de Houston, là on en revient un peu à ce que tu disais. C'est qui les guerriers de cette équipe? T'as Tucker, ouais. Capella, je vais le mettre à part parce que pour moi c'est pas, il est pas très combatif. Il revient vraiment de loin. Globalement, tu vois, des mecs comme tu disais qui plongent à chaque rebond, qui se jettent sur le mec. Ah, mais bah, à part Tucker, t'as quand même ces Folocha qui fait le taf en défense, mais en dehors de ça, t'as des mecs qui sont juste moyens. Bah, les mecs ont flingué leur équipe avec le trade de Chris Paul. Hein. Ça, complètement. J'ai jamais dit le contraire. Hein. S'ils avaient gardé leur base avec Ariza et compagnie, et qu'ils avaient étoffé avec des petits moves un peu malins, ça aurait pu se passer vraiment autrement. Mais c'est cette année-là où ils étaient peut-être le plus proches de faire quelque chose de bien, parce que les gens parlent de l'année avec Chris Paul où il se blesse, etc. Ouais, peut-être, ok. Mais en termes d'homogénéité d'équipe, c'est l'équipe avec Ariza, Harden et compagnie. Hein. C'est sûr. Ouais. Et t'aurais pu te faire violence pour te débarrasser de mecs style Anderson ou Gordon, qui sont des shooters qui intéressent toujours les équipes. On vient d'en parler. Hein. Y a des mecs qui cherchent des shooters, hein, qui cherchent du spacing. Gordon, on l'a pas dit hein, pour Philadelphie, mais c'est pas mal. Ouais, ouais. Grave. Bah, oui, bien sûr. T'aurais pu Anderson, là, qui vient d'être libéré aussi. T'aurais pu essayer de faire quelque chose avec ces joueurs-là, de monter des petites choses et pas de chercher forcément un nom un peu ronflant, tu vois. Mm-hmm. Donc non, les problèmes de Houston, ils sont aussi au niveau du management, ils sont aussi au niveau du coaching, ils sont aussi au niveau de la mentalité des joueurs. Ils sont à plein de niveaux différents. Donc oui, Harden a sa part de responsabilité, bien sûr qu'il est casse-couille, bien sûr que parfois tu regardes des matchs et t'as envie de changer parce que c'est insupportable de voir ce mec jouer. Mais en attendant, derrière, ça marche. C'est une omnium pour aller au playoff. Putain, il y a combien de mecs qui peuvent dire ça dans la ligue? Il n'y a pas beaucoup. Hein. Non, mais on parle d'une équipe très haut niveau qui va régulièrement en playoff, voire en finale de conf et demi-finale de conf. Donc on essaye de partir de ce plancher, de se dire maintenant qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter, soit en termes de mentalité, soit en termes d'approche tactique ou de joueur, pour passer le cut. Je pense que ça passe effectivement par une prise de conscience de chacun des membres de l'équipe, dont leader également, quoi. Ben, un leader, après moi je resterai toujours un petit peu curieux de savoir si on avait mis un type qui soit aussi bon que lui offensivement, ou en tout cas pas très loin. J'aurais voulu savoir s'il aurait été capable de lâcher plus la balle. Parce que Westbrook, tu vois, c'est un peu le même genre que lui en profil, sauf que c'est un peu plus basé sur l'explosivité, le côté un peu je vais bouffer l'anneau avec mes dents. Mais un Durant, par exemple. S'il était resté avec un Durant, je veux bien voir qu'il lui lâche pas la balle. Moi, je pense que ce serait compliqué. Hein. Moi, je pense qu'il l'aurait fait. Parce que je pense que son ego est tellement grand qu'il faut un mec qui soit vraiment à niveau, à son échelle de valeur, que pour partager un peu la balle. Et regarde, un des bons exemples, hein, c'est quand il avait des vrais shooters autour de lui, il faisait beaucoup d'assists. Parce qu'il avait confiance au mec. Parce qu'il savait que quand il lâchait la balle chez ces mecs-là, ça rentrait dedans. Il la lâche moins maintenant, parce qu'il se dit, si je lui donne à lui, il va rater. Parce qu'il est pas bon. Et c'est aussi avoir confiance en ses partenaires, mais pour ça il faut des partenaires de qualité, et il faut que tes partenaires ils soient focus. Et ça, c'est donnant-donnant. Il doit impliquer ses coéquipiers, et ses coéquipiers doivent lui montrer aussi. Doivent s'impliquer aussi, ouais. Mais je trouve que c'est trop simple de dire tout le temps Harden, Harden, Harden. Bah après là pour le coup, on a parlé un peu de Gordon juste avant. Quand Gordon va revenir un peu en forme, mine de rien, l'équipe elle aura une autre gueule. Oui. Parce que c'est ton second meilleur scoreur. Ouais, bien sûr. Et puis ça donc c'est quand même shooter, hein. Grave. Ouais, bien sûr, ça va améliorer le tout. Hein. Ça, c'est sûr. Ok, messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour cette fois-ci. Il me semble qu'on a oublié dans ce qu'on avait prévu. J'avais posé une question d'intérêt général sur Twitter, mais je l'ai posté malheureusement pendant le match de Dallas et des Lakers, donc elle a dû passer inaperçue. On la reposera à l'occasion plus tard dans la saison, où je la garde un petit peu. C'était le nickname de Doncic. Ouais, c'est ça. Trouver un petit surnom, je vais me péter la gueule à moitié. Trouver un surnom pour Luka Doncic. Donc on vous laisse réfléchir à tout ça. Cam et Sylvain, merci beaucoup pour votre expertise. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé comme d'habitude. On se retrouve bientôt sur QI Basket. Et d'ici là, portez-vous bien, regardez plein de matchs et à bientôt. Ciao. À toute. Bon, ça va, on a été...